ciel s'est couvert de drap gris, un peu comme s'il faisait la gueule. Je sais, c'est souvent le lundi qu'on a l'impression d'être seul. Sans doute qu'il me manque quelque chose pour ne pas me sentir perdu, pour voir un peu la vie en rose, ou pour que mes yeux ne pleurent plus. Les gouttes de pluie qui s'écoulent n'ajoutent rien à ma tristesse. Dans un bruit incessant qui roule et qui sournoisement m'agresse, mon cœur est serré, elle est loin, et je n'ai pas eu de nouvelles. Pas le téléphone, rien. On a dû lui couper les ailes. Ma colombe est emprisonnée dans une cage bien trop petite. Elle n'a plus le droit de parler, il faut qu'elle s'échappe bien vite. Il faut qu'elle prenne vite le large, si elle ne veut pas s'étioler. Comme une fleur sans arrosage, sans lumière, pour la faire pousser. Pour la sauver, il l'aide à quitter son ennui, vite qu'elle vienne me retrouver. Que ce Dieu qui croise nos ombres fasse en sorte que ce soit demain, que disparaissent les jours sombres que nous suivons le même chemin. Le ciel s'est couvert de drap gris, un peu comme s'il faisait la gueule. Je sais, c'est souvent le lundi qu'on a l'impression d'être seul. Sans doute qu'il me manque quelque chose pour ne pas me sentir perdu, pour voir un peu la vie en rose, ou pour que mes yeux ne pleurent plus.